さあ、深く呼吸をしてください。 Participation à une nouvelle culture radiophonique. Le nouvel art radiophonique sera fondé premièrement sur le parasite. Salut à tous, auditeurs du Beau Bizarre, bienvenue à la dernière émission, de l'année avec Alex, Cédric et Fabrice. Alex à la technique. Une émission un peu particulière puisqu'on a décidé de la consacrer à des dédicaces qu'on va faire à certaines personnes, une équipe, on verra. Donc Fabrice, est-ce que tu veux dire un mot sur cette émission spéciale dont tu as eu l'initiative ou Écoute, non, juste un petit mot pour dire que je trouvais que c'était une bonne manière de saluer un peu tout le monde avant de partir en vacances, pendant deux mois. Durant les deux mois où nous serons partis, l'émission continuera puisqu'il y aura des émissions sous forme un petit peu de best-of, on va dire, pendant neuf semaines. Donc nous ne quitterons pas complètement le champ hertzien. Voilà. Et on peut commencer peut-être tout de suite par la première dédicace. Je crois que c'est la tienne, Cédric. Ouais, on va faire une petite dédicace quand même à toute l'équipe de Rage qui nous a accueillis cette année. Donc on leur en remercie. Et puis donc on va leur souhaiter de bonnes vacances avec un morceau très rythmé puisqu'il s'agit de Fela Kuti, le morceau Chakara, un morceau qu'on retrouve sur un album homonyme qui se présente sous la forme de deux plages, dont ce titre, donc 13 minutes 22 secondes de pur afrobeat où Fela Kuti se fait un plaisir de mener le bal d'une transe, tantôt au clavier électrique, tantôt au saxophone, mais toujours soutenu par une section rythmique endiablée. Voilà, donc on dédicace ce morceau à toute l'équipe de Rage et on leur souhaite de bonnes vacances. Voici Chakara. to ba mo ni shakara pade ba shato ma fino e o je lo je ki lo se pe o shakara o lo je ni to ba mo ni shakara pade ba shato ma fino e o je lo je ki lo se pe o shakara o lo je ni Sakarapade, baixa toma fino, é o gelo inje, que lo jepe o. Sakaraolo Jenny, Sakaraolo Jenny o. Sakaraolo Jenny, Sakaraolo Jenny o. Sakaraolo Jenny, Sakaraolo Jenny, Sakaraolo Jenny, Sakaraolo Jenny o. Sakaraolo Jenny, que disse Sakara? I will beat you, I will never kill you. La Shakara. I go beat you, go be like you get accident. La Shakara. You don't know me. La Shakara. Wait, make I come out my dress. La Shakara. You see, enough you do nothing. La Shakara Loji. We got this song for them. We just sing them like this. We go say, Boy, Timo Mini Toba Toko Duro Demi Duro Demi Bashami Waje Babalaya Ironi O Koleja Ojelo Yo Kila Shepe Shakara Olo Jenny Shakara Olo Jenny Shakara Olo Jenny Shakaraholo Jenny Shakaraholo Jenny Shakaraholo Jenny Shakaraholo Jenny Shakaraholo Jenny Shakaraholo Jenny Shakara woman tell her say my dear I like you she go say you like you who you like come on the jari look at this man where you come from self I be me and you not touch me oh. You see she won't do na shakara they call her shakara loji we get a song for them they sing them like this we go say O jello ya que la gente o Shakara Olo Jenny Shakara Olo Jenny Shakara Olo Jenny Shakara Olo Jenny Shakara Olo Jenny Shakara Olo Jenny Shakara Olo Jenny Shakara Olo Jenny Shakara Olo Jenny Shakara Olo Jenny Shakara Olo Jenny Thank you. Chakara, donc, de Fela Kuti pour toute l'équipe de Rage. On va enchaîner avec donc Alex. Oui, avec une dédicace pour Fuse et son technicien, notamment Romain, qui nous a aidés dans l'année à préparer l'émission. Alors, j'ai choisi un morceau de Mike Banks, alias Mad Mike, alias The Martian, qui s'appelle Star Dancer. Date de 1991, qui est un morceau de techno-trance très puissant, avec tout le titre est basé sur un effet flanger qui est très très réussi, très prenant, très musclé, vous allez voir. Alors voilà, j'espère que ça plaira à l'équipe. C'est un petit peu une tentative, alors voilà, on attend leur réaction. On vous laisse donc avec The Martian, Star Dancer. Voilà, c'était The Martian avec Stardancer. Et pour la prochaine dédicace, je laisse la parole à Fabrice. Oui, la prochaine dédicace, eh ben, c'est pour l'équipe du Festival Delco, qui nous a offert encore une fois, pour la troisième fois, un beau festival avec de beaux moments, comme la soirée à Val-de-Gour avec oui. Yokohama et Eric M, ou celle de Samuel Seghicelli et Pascal Berthelot. Et Pascal Berthelot, mmh. Voilà. Il y en a fait d'autres. Il y en avait d'autres. Bon. Voilà, donc c'était. On voulait les remercier pour leur investissement. Et plus particulièrement, Jean-François, David, Marco, Christophe, j'espère que je n'oublie personne, la présidente Sophie de l'association. Et puis les nombreux partenaires, bien évidemment, puisque le Festival Delco était en partenariat avec de nombreuses galeries d'art et diverses institutions qui seraient trop longues à énumérer, donc je vais m'en tenir là, mais je les salue tous. Et voilà, pour l'équipe de Delco, je voulais passer un morceau riche en harmonique, puisque c'est une équipe très, très harmonieuse. Et donc, on va leur passer 03MS120 moteur V12HS72 et un morceau tout à fait exceptionnel. Merci à toute l'équipe de Delco. Et merci. Voilà, hein, Fabrice. C'était magnifique. Superbe. J'espère qu'ils apprécieront. On va passer maintenant plutôt à une série de dédicaces à nos plus fidèles auditeurs. On va commencer par la dénommée Terce, qui nous suit depuis très longtemps. Hein. Enfin, ah, depuis le début. Tu peux confirmer. Je crois que depuis le début de la création de l'émission, oui, Terce est présente sur le forum. La fidèle parmi les fidèles. Quoi. Mm-hmm. On va lui proposer un morceau de Bad Diana qui s'intitule Cupboardy Renewed sur l'album The Lights Are On But No One's Home. C'est un disque qui est sorti en 2007 sur le label G-Neina, je ne sais pas si je prononce bien. Alors la mauvaise Diana, c'est Diana Rogerson, hein, et The Lights Are On, c'est son troisième album, je crois, le dernier en date, après The Inevitable Crystal Bell Scrod Record, qui était sorti en 85, et Belle de Jour, sorti en 87. Elle les a publiés sous le nom de Crystal Bell Scrod, ces deux premiers. Alors tous ces albums ont été enregistrés sur, les deux premiers sur United Dairies, qui est le label de son mari, qui est le leader de Nurse With Wound, hein, Stephen Stapleton, qui leur donne à chaque fois un son surréel, très caractéristique de l'univers de son groupe. Alors on dédie à ce morceau, donc à Terce Bad Diana. Nothing is there. There's no place for something to be. No, no, there's no place for something to be. Then the silence may speak. No, nothing to see. Nothing to get, nothing to gain. Oh, and then politics stop, ooh, yeah, yeah, and then the politics stop, ooh, ooh. And then the wanting to know. Let the being be, let the being be. The world stops, Voilà, Badiana, Cup Body Renewed. Alors on continue dans la série spéciale dédicace pour les auditeurs. Qui prend le relais là? Alors c'est moi, je vais m'adresser à George White, qui aussi un très fidèle de l'émission, on va dire peut-être plus sur cette année, là où nous étions tous les trois. J'ai choisi un titre de Wolfgang Voigt sous le pseudo de Gas. Il s'agit d'un morceau tiré de l'album Zauberberg. C'était sorti chez Mille Plateaux. Voilà, j'ai choisi ça parce que j'ai remarqué qu'il réagissait très, très, très souvent justement à des titres un petit peu d'électro minimal. Voilà, du label Chain Reaction par exemple, Basic Channel. Et je sais que voilà, Gas, ça fait partie de un petit peu de ses fétiches. Donc c'est parti, Gas, Zauberberg. Voilà, c'était Gas avec Zauberberg. Et nous enchaînons, Fabrice, avec toujours une dédicace pour un auditeur. Oui, un de nos auditeurs les plus fidèles. Stéphane Vélé, cette dédicace, elle est pour toi. une dédicace un peu particulière. Faites comme Stéphane, écoutez le Beau Bizarre. Lui, il a choisi d'écouter le Beau Bizarre parce que c'est une des émissions où on entend des choses qu'on n'entend nulle part ailleurs. Mais en même temps, il y a un prix à payer pour ça, c'est notre manque de professionnalisme d'après Stéphane. En tout cas, c'est les propos qui m'ont été rapportés. Alors Stéphane, pour toi, ce soir, 3 minutes de professionnalisme avec cette introduction de l'émission Mixologie qui passe sur WFMU aux États-Unis. C'est l'intro du générique de l'émission. Et non seulement c'est professionnel, mais en plus, c'est classe. Tout de suite, l'intro de WFMU. Ain't that the truth? Give peace a chance. God damn it. Johnny Harris. That was Gil Scott Heron from a long time ago now. The Needle's Eye. Eddie Holman gave us This Can't Be True. Please don't make it true. And that set began with the Green Berets on Verve. And Send Me Somebody. You are tuned to WFMU East Orange. Or perhaps WXHD Mount Hope. On the internet, we're WFMU.org, like you didn't know. The professor getting out of the way. Hope you had fun. I had fun. Making way for DJ Jesus Pants and a brand new show here on WFMU, Mixology. Featuring people like us. The Evolution Control Committee, Wobbly, and Irene Moon. After that at 9 o'clock, you got Frank O'Toole. Some exciting moments with Mr. Frank O'Toole. Stick around and try not to frown. And I'll see you again one of these days. Oh, my email is prof@wfmu.org. Got a word, you? What? You're a disc jockey? What's that? Is that a turntable? Yes! Et voilà, les 3 minutes de professionnalisme sont malheureusement passées. On va revenir à l'amateurisme. On revient au Beau Bizarre et à l'amateurisme. Avec une nouvelle tranche de dédicace à laquelle nous tenions beaucoup les uns les autres pour nos campagnes respectives qui, qui supporte nos horaires un petit peu indus d'enregistrement. Et les préparations d'émission. Et les préparations qui peuvent être éprouvantes pour elle, j'imagine. Voilà, donc je voulais rendre un peu... je voulais rendre un peu l'appareil. Et on dit qu'il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Et ben, ça, c'est une preuve d'amour pour ma compagne Marie. Ça me coûte beaucoup, mais je vais quand même le faire. Je vais passer un morceau de Noir Désir. Il est pour toi. Et cet extrait de l'album Nous n'avons fait que fuir, qui est un album livre en fait, qui a été paru aux éditions Vertical en 2003. C'est un enregistrement de 2002 aux Ursulines à Montpellier, dans le cadre du festival Radio France. Et c'est un long texte de Bertrand Cantat qui dure 50, ça a donné lieu à une performance avec Noir Désir qui l'accompagne derrière. Ça dure 55 minutes. Je vous laisse. Alors là, j'en ai extrait 6 minutes parce que évidemment, on pouvait pas passer un aussi long morceau. Et voilà, Bertrand, pour toi, Marie. Comment tu leur parles, toi, aux montres à quartz? Il faudra l'inventer, le médiateur final. Foutez-moi tout ça au newf. Et puis à la décharge, et puis concassez-moi ces breloques, et c'est comme chez Lip. Tout ça, ma bonne dame, rouleau compresseur. Allez, t'as bien raison de venir du fond du grand bocal, des régions qu'ils appellent bassins industriels, les mêmes que sur le chemin des guerres, à l'aller, au retour, il y en aura pour tout le monde, et puis t'auras du boulot jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Faut pas rêver, oh. Faut pas rêver. Tiens-toi bien à ta barre. L'horizon, c'est des conneries inventées par les utopistes. Si tu veux, la porte, elle est là. Des millions de gueules grandes ouvertes qui ont plus faim que toi, mais qui sont pas plus forts que toi. Car si tu collabores, car si tu persévères, nous te protégerons de notre bras armé. Ce que nous, on aurait voulu qu'on nous parle gentiment. Pas qu'on nous mente, non, mais qu'on nous parle gentiment. C'est pour changer des marteaux, pour changer des enclumes. Puis bien sûr, ça recommence. On s'est fait marteler, on s'est fait enclumer. Faudrait qu'on prenne la tangente. Il faudrait qu'on prenne la tangente, alors la diagonale et zoom. Soixante-quatre cases et 8 × 8, l'infini renouvelé toujours, survolé grand format. On se prend à y croire, à ces combinaisons des infinis possibles. Nous n'avons fait que fuir, nous cogner dans les angles. Maintenant qu'on envisage la voûte céleste et le goût des cerises à défaut de leur temps, encore qu'il ne faut pas, qu'il ne faudra jamais se départir de ça, de ce miel, de ce vent, de la fin de l'été et des grands peupliers si doucement courbés, les hautes herbes toutes inclinées sous l'évidence tiède, mais pas soumises à non. Verticale dans l'âme, seulement reconnaissante pour le présent offert, pour la caresse fauve, et les jeunes filles alors sont les sœurs des rubans, on les dirait flottantes sur une mer de silence. C'était donc Noir Désir. Eh bien, moi, je vais faire une petite dédicace pour ma compagne aussi, pour Sophie. Et il s'agira d'un titre de Toc Toc, Inhéritance. Voilà, elle en appréciera la signification. Voilà, Sophie, donc Inhéritance, c'est pour toi. Et je crois que donc on va se quitter sur ce titre-là. C'est voilà pour la dernière émission de la saison. On se quitte là-dessus et on se retrouve en septembre. En septembre. Voilà. On rappelle juste donc qu'il y aura quand même des émissions des rediffusions sous forme un petit peu de best-of durant tout l'été. On a choisi chacun des titres qui nous avaient plu dans la programmation des autres et. Et donc ça sera une sorte de Beau Bizarre qui revient sur le Beau Bizarre et qui a choisi les pour morceaux. Continuer dans une veine un petit peu Otomo Yoshi, oui c'est ça. On se réattaque à des morceaux. Voilà, tout à fait. Et ça versus, sera toujours à la même heure, même jour. Ah oui, je crois bien, oui, même jour, même heure. Ah hein. Oui, je crois que la grille ne change pas. La grille ne change pas, non. Voilà. Voilà, et bien, bon été à tous, hein. Salut. À la rentrée. Et bonnes vacances pour ceux qui partent en vacances. How will